Une après-midi, il faisait traduire à ses élèves le recueil de Plautz, qui est l'ouvrage classique pour l'enseignement du français en Allemagne. Le texte se rapportait à Napoléon Ier. Les uns après les autres, avec le dur accent des Schwabs, ou bien avec le traînement de voix des Welches, les enfants venaient d'annoncer, quand l'un d'eux, son tour venu, rougit et s'arrêta. « Eh bien, lui dit M. Asmus, pourquoi ne lis-tu pas ?»« Mon père a dit que le livre ment et que Napoléon est un grand homme. » Ce fut dans la classe réveillée par cet incident de frontière un grand bruit de pieds, signe d'émotion. Le colosse allemand posa son regard étonné sur le petit Lorrain, puis se référant au livre, il lut à haute voix. La sincérité et la générosité étaient parfaitement étrangères à Bonaparte. Il avait coutume de raconter qu'un de ses oncles avait un jour dit de lui « Napoléon ira loin car il ment sans cesse ». Loin d'admirer une belle action, il était incapable de la comprendre. Il était convaincu que l'égoïsme et la vanité sont les mobiles de tous les actes et qu'on ne peut gouverner les hommes que par leurs vices. Toute la classe portait avec vivacité ses yeux du maître au petit camarade et se demandait comment les choses allaient tourner entre Goliath et David. Mais M. Asmus, quand il eut fini de lire le texte, refusa toute bataille. Il dit avec conciliation « Le livre insiste trop sur les travers de Bonaparte. C'est un fait que Bonaparte a enthousiasmé des millions d'hommes. On peut dire aussi qu'il a rendu de diverses manières d'immenses services à l'humanité. Et par exemple, il est probable que sans lui, l'unité allemande se fût faite moins rapidement. » L'aventure fut rapportée par des élèves, fils de fonctionnaires, à leurs parents, et dès le lendemain, le professeur fut appelé chez le directeur du collège, qui lui dit « Votre classe, monsieur Asmus, est une des mieux conduites de notre maison, et je ne puis donner sur vous que de bonnes références. J'apprécie cet esprit de vérité et de justice dont vous venez de faire preuve, mais enfin, le livre est là par le choix de nos supérieurs, et l'on ne doit pas remettre en question ce que l'autorité a une fois décidé. Je profiterai de cette occasion pour vous rappeler qu'ici, le rôle d'un bon Allemand est double, faire son métier et amener au germanisme les jeunes cervelles lorraines. » Le directeur parlait avec une grande bienveillance, parce qu'il n'avait qu'un souci administratif, c'est-à-dire qu'il ne songeait qu'à éviter les histoires. Mais les professeurs, plus jeunes, plus libres, ne bridaient pas leurs dispositions philosophiques. Ils élargirent l'incident, et le pan-germanisme, au cours du déjeuner, se chargea d'exprimer leur déplaisir. Ils eurent une conversation qu'il est intéressant, je crois, de rapporter en détail, afin que l'on connaisse l'état d'esprit de M. Asmus et que l'on fasse la différence entre les deux opinions allemandes principales sur l'Alsace-Lorraine. « Asmus, nous sommes inquiets, » dit le pan-germaniste. « Hier, vous vouliez que les Lorrains continuassent de parler français. Aujourd'hui, vous approuvez un élève qui contredit notre enseignement. Quelle idée vous faites-vous d'un rôle d'un Allemand à Metz? Où voulez-vous en venir ?» Monsieur Asmus, je suis un bon garçon, et je ne veux pas détruire le cerveau de ces petits Lorrains. Vous savez bien que tous nous arrivons en Alsace-Lorraine avec le désir d'apprendre le français. Cela me semble fort que nous tâchions d'anéantir chez les indigènes ce que nous venons leur demander. Quant à ma conduite avec ce gamin qui aime Bonaparte, voici le fond de ma pensée. On dégrade les enfants si on les prive de leur vénération propre, et je n'ai pas jugé que ce fût notre rôle de faner chez nos élèves l'enthousiasme. Le pan-germaniste. Si messieurs les Lorrains se trouvent fanés par les vérités allemandes, qu'ils s'en aillent donc en France, où l'agriculture manque de bras, comme ils disent. Et du vieux sol, nous verrons s'accourir une multitude qui colonisera ce pays de la conquête, en chantant d'une seule voix les chants de nos pères. Laissez à d'autres, Asmus, le soin de flatter la bouderie de quelques Lorrains têtus, et soignons tous, bravement, les intérêts de notre grande race allemande. Monsieur Asmus. Moi aussi, mes camarades, j'entends servir les intérêts de notre race. Je continue la chanson de nos pères, mais nous sommes au deuxième couplet. Ils ont conquis le sol, à nous de conquérir les fruits du sol. Ici naissent et se formaient des hommes préparés depuis des siècles à la civilisation. Pourquoi ferions-nous dépérir cette société? Notre venue est une crise pour elle. Nous devons l'aider à la résoudre, prendre la direction de la prospérité générale. Et ce qui nous manque, ce pays nous le fournira. Nous ne sommes plus des soldats excités, mais d'heureux héritiers en possession d'un vieux et magnifique domaine. Il n'est pas permis de rien détruire sur ce territoire sans avoir examiné, éprouvé toutes les valeurs qu'il renferme. Je crois qu'elles peuvent enrichir la vie allemande. Le pan-germaniste. Oh, mon cher collègue, on le devinait, vous êtes devenu un tenant de la culture française. Quelle mystification! Que voyez-vous que nous puissions envier à ces vaincus? Leur langue est claire parce qu'ils ne vont jamais au fond des choses. Leur cuisine excite les sens. La politesse de leur salon n'est que le manteau de la débauche. Méfions-nous plutôt de ce qui subsiste ici de cette fameuse culture française. Elle est un poison pour nos vertus mâles. Si nous n'y prenons garde, ce pays risque de nous énerver. Monsieur Asmus, laissez-moi vous dire que vous ne possédez pas une image vraie du pays messin. J'ai la chance d'être placé dans un milieu où je vois des choses qui m'ont libéré de plus d'un préjugé. Au début, j'étais comme vous. Je méconnaissais ce qu'il y a de véritable valeur humaine dans l'urbanité des gens de ce pays. Elle est chez eux un don de naissance, et puis une habileté légitime, qui laisse intacte leur dignité. Vous parlez de notre discipline, et vous croyez que la frivolité française nécessairement se dissipe, franchit toutes les bornes, se joue au hasard. Pourquoi n'allez-vous jamais à Nancy? Sur la place Stanislas, vous verriez un sentiment souple, facile, heureux, et pourtant une œuvre précise, calculée, rigoureusement voulue, où tous les effets sont coordonnés, hiérarchisés, pour produire l'ensemble le plus noble et le plus aimable. Voilà ce que nous ne savons pas faire, car nous sommes incapables de maîtriser notre sentimentalité et notre humeur par notre raison. Ma propre expérience m'a conduit à reconnaître la légitimité de ce que nous appelons chez les gens de ce pays chauvinisme, et qui est la conscience raisonnable d'une culture qu'il faut apparenter, mes chers collègues, à l'atticisme hellénique. Dans nos universités, nous nous proposons comme modèle les Hélènes, mais nulle acquisition scolaire ne nous rapprochera d'eux. Un esprit pénétrait, harmonisait toute leur vie. Je trouve ici quelque chose de cette unité. Vous le niez, mais je vis dans une famille lorraine. J'ai parcouru les villages, j'écoute parler des gens très modestes auprès de qui je profite. Je sais à Metz des personnes qui ont un esprit de moquerie si étonnant qu'on pourrait les croire sèches et méchantes. Oui, elles pourraient l'être, si elles le voulaient, mais elles sont naturellement bienveillantes. Le pangermaniste. Asmus, Asmus, vous vous laissez prendre à des amitiés particulières. Elles vous empêchent de voir le grand rôle historique du peuple germain. Nous apparaissons toujours au milieu des civilisations qu'il faut régénérer et assainir. C'est le vieux service que nous avons rendu dans le monde. Aujourd'hui, tout ce qui a des origines germaniques doit retourner à l'Empire. Nous réclamons l'Artois, la Picardie, la Flandre, la Champagne, la Bourgogne et la Franche-Comté. Bientôt, leurs populations revivifiées seront toutes heureuses de parler la langue de Schiller et de Goethe. Voilà le plan, et rien n'empêchera l'expansion de notre force. Monsieur Asmus, eh bien, mon cher collègue, permettez qu'à mon tour je vous expose des idées qui naissent d'un amour de l'Allemagne, au moins égal au vôtre. Comme vous, je dis que ce qui est beau, ce qui est pur, c'est le cœur d'un loyal Allemand. Aussi, je ne veux pas le gâter en l'irritant contre une noble nation. Au contraire, je veux l'enrichir avec tout ce qu'il y a d'excellent sur son territoire. Vous parliez de Goethe tout à l'heure. Rappelez-vous ce qu'il a écrit, que nous autres Allemands, nous sommes d'hier, et qu'il peut se passer plusieurs siècles avant que nous cessions d'être des barbares. Nous avons fait de grands efforts pour nous civiliser rapidement, et nous nous sommes surchargés, au point que notre sensibilité n'a jamais pu se développer. Nous n'avons fait qu'absorber. Où est notre nature ? Nous devons être contents que ce pays mette un peu de France à notre disposition. Goethe, Schiller et beaucoup de grands hommes ont déclaré qu'il fallait à la pâte allemande un peu de levain français. Et voilà pourquoi la résistance lorraine me paraît une chose bonne, utile, conforme à nos intérêts. Il est possible que cette vie lorraine ne soit pas encore bienfaisante pour tous nos compatriotes, mais peu à peu ils la reconnaîtront et ne pourront plus s'en passer. Elle ne les dénaturera pas, mais je le sais par mon expérience, elle harmonisera leurs mœurs avec leurs rêves. Elle répondra à leurs tendances profondes, et loin de les contrarier, elle les élargira, les haussera. En conquérant ce pays, nos pères nous ont vraiment menés sur un plateau supérieur. Le pangermaniste. Je sais, Asmus, que vous n'êtes pas le seul dans ces idées. Il y a beaucoup trop d'Allemands par ici qui croient, comme vous, s'être hissés sur un plateau supérieur. Mais de votre élévation à tous, je ne vois que votre vertige. Vous vantez les Français, vous dites qu'ils sont l'ordre, l'harmonie, la mesure. Pourrez-vous joindre ces élégances à nos vertus germaines? Le tout sera-t-il net? Garderez-vous votre nature vraie, saine et droite? Non, vous perdrez votre santé morale. Ici, il faut choisir être d'Allemagne ou de France. Toute certitude est mortelle. Asmus, vos collègues vous le disent amicalement. Vous vous êtes exposé d'une manière coupable à de mauvaises influences. Vous croyez qu'elles vous ont élevé. Nous souhaitons que le jour où elles se dissiperont, vous n'ayez pas perdu pour toujours votre équilibre. » Monsieur Asmus, fort animé, demanda le soir même à Madame Baudoche si elle voulait bien lui cuire désormais ses repas. « Je suis sûr, dit-elle, monsieur le docteur, que vous ne pouvez plus supporter cette cuisine allemande qu'ils vous font à la brasserie. » Et de la manière dont elle le disait, il semblait que ce fût pour elle un triomphe personnel. Mais elle ajouta avec modestie, « N'allez-vous pas regretter la société de vos compagnons, qui sont des gens instruits ?»« Instruits, c'est possible, bougonna le docteur, mais peu intelligents. » Il raconta qu'il ne s'entendait plus avec eux, parce qu'ils avaient l'idée barbare de vouloir dénaturer les petits Lorrains. « Ah bien, dit Madame Baudoche, s'ils s'imaginent qu'ils réussiront. Ici, les Lorrains, ça sort du sol. Et les petits Crosses, là-haut, qui sont des cafés au lait, ils parlent mieux le français que l'allemand. » Au cours de la soirée, il fut convenu que M. Asmus, qui payait 50 marques à sa pension pour son dîner de midi, donnerait 80 marques à Madame Baudoche pour ses deux repas. Mademoiselle Colette lui demanda s'il mangeait de la confiture avec ses rôtis. Et comme il disait que oui, ces dames le plaignirent et résolurent de lui faire rogner la cuisine de Königsberg. Pour son déjeuner de début, il eut une quiche lorraine et des andouillettes. « Comment, disait Madame Baudoche, depuis 6 mois que vous êtes à Metz, vous n'avez pas mangé d'andouillettes, mais on en vend jusqu'à Paris. Que mangez-vous donc ?» Il déjeuna au vin, au petit vin gris de Lorraine, et ne regretta pas la bière. « Je me sens, disait-il, plus de finesse d'esprit. » La nuit suivante, il rêva qu'il mangeait des andouillettes de Metz, auprès de Mademoiselle Colette, dans le décor de la place Stanislas, et que ses collègues, assis à leur table, reconnaissaient leur erreur. Il nous est difficile à la longue de ne pas accepter le rôle que nous prêtent deux femmes, quand la sympathie les inspire. Le professeur Asmus, se voyant l'objet de la sollicitude inlassable et des avertissements des dames Baudoche, entra sur toute chose dans le personnage d'élève. Au bout de 8 jours, il s'émerveillait que les œufs n'eussent pas été accommodés 2 fois de la même manière, et en même temps il jetait des regards pour savoir s'il les mangeait à la française. Il apprit assez rapidement à ne pas mettre le coin de sa serviette à son cou, à ne pas manger avec son couteau, à ne pas plonger le nez dans son assiette, et d'une manière générale, à boire, manger et souffler avec beaucoup moins de bruit. Cette guerre que les deux femmes faisaient aux mœurs allemandes de leurs convives contribuait à l'agrément de cette petite société. Elle donnait du piquant à la conversation. Elle permettait aux de Lorraine de déployer leur malice naturelle. Il y a dans toute cette région un genre de moquerie, parfois bien rustique, bien dure, et qui patoise, un sentiment presque farouche de la personnalité, mais à Metz, il prend un accent mieux policé. Dans l'ironie de Colette, on sentait mêler au rire facile de la jeunesse quelque chose qui partait plutôt de l'âme que de l'esprit, une sensibilité profonde, qui repoussait parfois un peu sèchement ce qui lui était étranger. M. Asmus n'en était pas offensé, car la moitié du temps, il ne la sentait même pas. Et ces dames, en voyant qu'il ne se blessait jamais, le déclaraient un excellent garçon. Par la force des choses, leur vie se passait presque en commun. Madame Baudoche lui portait toujours son café au lait dans sa chambre, mais elle pouvait maintenant arriver en retard de 5 ou 10 minutes. Avant d'aller au collège, il entrait s'informer de la santé de Mademoiselle Colette. À table, au dîner de midi, il rapportait les incidents de la matinée. Il signalait les maladresses de ses collègues, surtout il commentait le caractère de ses élèves. Et Madame Baudoche, animée par les noms lorrains qu'il citait, lui faisait l'histoire des parents de ses enfants, ce qui ramenait une fois de plus l'éloge du vieux Metz. Comme le sujet était inépuisable, il fallait que Colette intervînt. « Allons, maman et vous, monsieur le professeur, laissez-moi débarrasser la table. » Alors la vieille dame souvent se laissait persuader, tandis que sa petite fille remettait toutes les choses en ordre, de passer dans le cabinet du jeune homme. Et quand ils étaient seuls, ce n'était pas toujours de vieilles histoires qu'ils parlaient, mais elle lui disait combien Colette était animée de pensées sérieuses, tout appliquées aux soins du ménage et au travail de couture, sans que sa gaieté la quittât jamais. « Il ne me reste qu'elle et mes meubles, » ajoutait la vieille femme, qui s'accoutumait à voir son locataire accueillir toutes ses pensées. « Et c'est pour garder mes meubles à Colette que je conserve cet appartement un peu vaste, et que j'ai accepté de prendre un pensionnaire allemand. » Le bon monsieur Asmus comprenait la contrariété que ce devait être pour une vieille Messine de loger un immigré. Il s'en allait à son collège, et vers 4 heures après la classe, il passait dire un petit bonjour à ces dames, avec le souci que sa présence leur devint un agrément. « Vous travaillez trop, allons faire une petite promenade. » Cela, c'était sa marotte. Il y revenait continuellement. Et ces dames, qui n'étaient jamais sorties avec lui, que pour la conférence française et le théâtre, avaient de la peine à dire non sans le désobliger. Il ne soupçonnait pas que pour des Messines, se montrer en public avec un Prussien, sans rime ni raison, c'eût été sinon trahir, au moins se diminuer, déchoir. Il se croyait maintenant presque un membre de la famille. Cette vie le remplissait d'un sentiment salubre et vrai. Sans doute il jouissait imparfaitement du bonheur domestique, mais le tempérament de ces races du Nord est paisible, et le jeune homme appréciait avec une chaste délicatesse ces scènes familières et douces, cette quiétude d'un foyer messin. En même temps, il éprouvait quelque fatuité d'être initié au raffinement français. Il en faisait une suite de leçons à sa fiancée, et se proposait de les introduire dans la famille qu'ils allaient bientôt fonder. Involontairement, il compare cette petite Colette au Gretchen de chez lui. Elle a de jolies manières de servir ce qu'elle offre, avec je ne sais quoi de léger qui tient à la personne. Son esprit est plus ferme que celui d'une jeune allemande, et surtout plus clair. Comme elle sait plaire à tous, une telle jeune fille achalanderait le plus médiocre bureau de tabac. Mariée avec un officier, elle le conduirait certainement au grade de général. Son adresse à faire des robes semble le goût d'une fille de roi. Un soir, en élevant sur le poing un projet de corsage, elle s'écria gaiement « Ceci, monsieur le docteur, c'est pour moi. Je trouve que vous devenez coquette, mademoiselle Colette. Il faut bien pour l'été renouveler sa garde-robe. » Et le gros homme, émerveillé, reliait ses rubans et ses mousselines à tout ce qu'il avait vu depuis 6 mois d'aimable et de léger. Il pensait à la conférence où rien n'était lourd, à la place Stanislas parfaite de proportion, à la langue française toute mesure et clarté, enfin, au joli village de Messin, posé dans des paysages épurés. Comment bougonna-t-il, mes collègues ne voient-ils pas que cette unité de style, jadis réalisée par les Grecs, nous la retrouvons ici, vivante? 8 jours plus tard, il apparut avec un vêtement d'été et un chapeau de paille. Ces dames lui firent des compliments, et dirent qu'on voyait bien que sa jaquette avait été coupée à Metz. Ce soir-là, mademoiselle Colette venait de terminer sa robe et son corsage. Il demanda la permission de les prendre avec sa grosse main et il riait. Il était sensible à la légèreté et à l'amabilité de ses vêtements considérés en eux-mêmes. Ce sont des objets précieux, respectables et délicats, le fruit d'une aimable industrie et consacrés par leur usage, quelque chose de familier et devant quoi pourtant il faut s'incliner. De toutes ses forces pédantes, il admirait cette jeune fille, paraît à toutes les Messines, et qui savait, comme elles toutes, exécuter un chef-d'œuvre de goût, de sobriété. Quelle ceinture me conseillez-vous de mettre là-dessous, monsieur Asmus? Du rouge ou du jaune, peut-être? Elle partit d'un éclat de rire. Du rouge ou du jaune, sur du mauve? Mais non, monsieur le docteur, je mettrai une ceinture mauve comme les fleurs du tissu. Il reconnut, en rougissant un peu, que dans son pays on n'avait pas le sens des couleurs. Pourtant, Brooklyn. Eh bien, dit-elle en l'interrompant, laissez-moi vous dire que votre costume neuf est très bien, mais que votre cravate jure, et si vous le permettez, j'achèterai de la soie, et je vous en ferai une, moi. » Il était enchanté, et de plus en plus rêvait d'une belle promenade pour conduire à travers la campagne mademoiselle Colette dans son costume neuf. Les murs eux-mêmes l'entêtaient dans son idée, les murs de Metz qui, vers juillet, commencent à se couvrir d'affiches arc-en-ciel disant « Les jeunes gens de Lessy, ou de Voipy, ou de Lory, ont, et successivement de tous les villages, ont l'honneur d'inviter les habitants de Metz et des environs à venir célébrer avec eux leur fête patronale qui aura lieu le... Beaux jardins ombragés, jeux de moutons et d'oies, carousels et divertissements de tout genre, relève-sel et retraite au flambeau le dimanche suivant. Mais ces dames éludèrent son invitation jusqu'au soir, où tout animé de plaisir, il leur jeta dès le seuil de l'appartement. « Bonne nouvelle, nous triomphons, l'ordonnance sur la suppression du français est rapportée. » Il avait dit « nous » d'une manière si vive que ces dames en furent touchées. Et cette fois, elles consentirent au projet qu'elles écartaient depuis des semaines. Madame Baudoche proposa de visiter Gorzé et son château, et l'excursion fut décidée pour le dernier dimanche de l'année scolaire. c'est-à-dire la veille du jour où M. Asmus s'en irait à Königsberg pour la durée des vacances. Par une chaude matinée d'août, Madame Baudoche, Colette, M. Asmus et les deux petits Cros s'installèrent dans le train jusqu'à la frontière, au long de la Moselle, où s'essaiment Ars, Jouy, Ancy, Dorneau et Corny. À Novéan, ils prirent le courrier pour Gorzé. Le soleil dardait sur la vieille petite diligence, qui les serrait, les secouait et les cuisait. Colette et les deux enfants s'amusaient de tous les imprévus d'une partie de campagne. M. Asmus avait du plaisir de sa cravate et de son chapeau de paille. Quant à Mme Baudoche, elle reconnaissait chaque partie de cette vallée, où jadis son mari et son fils régissaient toutes ces belles cultures pour le compte de la famille V. À 500 mètres avant d'arriver à Gorzé, au bout d'une prairie et sur les premières pentes des collines, un petit parc voilait une habitation d'assez belle apparence. « C'est là, dit-elle, c'est le château. » Un ruisseau large et rapide, où brillait un petit pont tout blanc, coulait au bas des jardins. Et sous l'immense soleil, la propriété plaisait par cette eau courante qui mouillait sa prairie. Ce coin de terre rafraîchissait tout le paysage et semblait, dans cette journée d'août, une vasque de fraîcheur. Les deux enfants, assoiffés, regardèrent ce paradis d'ombrage, en tirant la langue comme des caniches. Mais il ne fut pas question de descendre de voiture. Tout le monde s'accorda pour remettre à l'après-midi la visite qu'on y devait faire. La grosse question, c'était d'abord le déjeuner. L'hôtelier que la petite troupe alla trouver tout droit au débarqué demandait une demi-heure. « Prenez une heure, dit M. Asmus, une bonne heure. C'est au moins ce qu'il nous faut pour examiner les curiosités du bourg. »« Mais il n'y a rien, disait Mme Baudoche. » Le professeur commença d'énumérer, d'après son guide, le palais abbatial du XVIIIe siècle, devenu un hospice de vieillards, l'emplacement de la fameuse abbaye primitive, l'église et diverses maisons pittoresques. Positivement, depuis son voyage à Nancy, la beauté lorraine et messine était devenue la chose de M. Asmus. Dans ces communes placées en dehors du chemin de fer, et qui n'ont pas de douaniers ni d'employés de gare, c'est absolument comme si l'annexion n'existait pas. À Gorzé, l'église, les tilleuls, les maisons et les gens sont d'autrefois bien à la française. Oui, les maisons comme les gens ont des visages reposés, clairs d'une honnêteté limpide. Madame Baudoche perçoit le charme épars de cette ville où flottent ses souvenirs, mais il n'y a que M. Asmus pour remarquer et nommer par leur nom des choses si familières à tous. Voilà-t-il pas qu'au milieu de la ville, sous le soleil de midi, devant une bonne petite maison ancienne, toute spirituelle, où des mascarons au-dessus de chaque fenêtre représentent des femmes coiffées à la mode du XVIIIe siècle, il commence une sorte de conférence. Ces femmes en fanchon, dit-il, toutes prêtes pour la conversation dans le parc, ont 45 ans. Et cela, c'est bien français de donner de l'agrément à des personnes mûres et de prolonger le bonheur dans la vie de la société. Les deux enfants, énervés par la faim et par cette érudition, se plaignirent de la chaleur. Colette leur glissa deux doigts dans le cou pour tâter si leur petit corps était en moiteur. « Bon, vous avez très chaud et très faim. Vous l'avez dit 3 fois. C'est entendu, n'en parlons plus. Qu'est-ce que des petits soldats qui ne savent pas marcher sans se plaindre ?»« C'est bon, mademoiselle, disait M. Asmus. S'il leur fallait grimper jusqu'à Gravelotte, vous verriez qu'ils ont des jambes. »